Dobro, sada se nema razlika. Glavni ljudi, jer tu ne jaša kranske domci, ali uzmo ono u vidinu. E prijera za ligasnosti sam povedi. Comme nous le voyons présent, il est devenu une tradition que le monde entier fête la journée du travail le 1er mai. Mais l'islam s'est occupé du travail bien longtemps avant que soit instituée la fête du travail le 1er mai. Dieu a créé la terre sur laquelle il était difficile de vivre, mais il a rendu facile à vivre en y créant toutes les conditions qui facilitent la vie. Dieu a donné à chacun sa part dans la vie par le travail. Il y a l'ouvrier, l'agriculteur, le maçon, etc. Et tous œuvrent à une seule chose, avoir sa quittance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous comptez sur Dieu, il vous nourrira comme il nourrit les oiseaux. En effet, l'oiseau, quand il quitte son île matin, il est faible, impuissant, et il part à la recherche de sa quittance, le ventre vide. Et le soir, il revient, le ventre plein. Mais, avec cet exemple, ce qu'il faut voir, c'est l'incitation, il faut bouger, travailler, car il ne suffit pas de dire « je compte sur Dieu » et ne pas travailler. L'exemple de l'oiseau est pertinent, car il doit chercher sa nourriture. L'exemple de Marie aussi. Marie, quand elle était enceinte et son accouchement approchait, s'est éloignée de la ville pour accoucher. Dieu lui a, comme elle a accouché au pied d'un palmier, Dieu lui a ordonné de secouer le palmier pour qu'elle puisse avoir des dates. Il n'était pas difficile pour Dieu de lui mettre les dates contre les mains. Il n'était pas difficile pour lui non plus de demander aux anges de la nourrir. Mais il lui a ordonné de secouer le palmier, autrement dit, de travailler pour qu'il puisse avoir sa nourriture. Dieu a donné cet exemple parce qu'il a institué une cause pour chaque chose. Aujourd'hui, on est réunis ici pour la prière du vendredi. Mais après, Dieu nous recommande de s'éparpiller sur la terre et d'aller rechercher une autre quittance. Autrement dit, après le travail religieux, il faut aller travailler pour la vie. Dieu nous incite au travail temporaire, ici-bas, comme il nous incite à travailler pour l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assimilé le travail au djihad. Car l'homme qui se lève le matin pour aller travailler, pour nourrir ses enfants, ses parents, fait une sorte de djihad. Il y a une anecdote, le prophète était avec ses compagnons, puis il voyait passer un jeune homme, dans la pleine force de l'âge, musclé. Et les compagnons du prophète disaient, si seulement cet homme-là, avec sa bonne santé, ses muscles, pouvait aller en guerre, ce serait bien. Le prophète leur a rétorqué, je ne veux pas dire cela. Car si ce jeune homme travaille pour nourrir sa famille, il fait aussi œuvre pour Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à travailler quelle que soit la dureté de la tâche et sa difficulté. Les compagnons du prophète, et même certains prophètes eux-mêmes, travaillaient pour vivre, travaillaient pour la vie et pour l'au-delà. Parmi eux, il y avait le maçon, comme Abraham, il y avait l'agriculteur, il y avait le forgeron, etc. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisait des deux mosquées, il portait des pierres sur ses épaules comme les autres. Certains de ses compagnons sont offusqués et voulaient le soulager en portant la pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait de ne pas faire cela. Et il leur répondait, vous n'êtes pas plus que moi dans le besoin des bonnes actions. Quant aux travailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donnez à celui qui travaille pour vous son salaire avant que sa sueur ne sèche. Balaam qui travaille même si elle est dure et onculosée. Moïse paie sur lui, comme s'il voulait se marier, la fille de Jaël. Il a apporté comme dot 10 ans de travail. On n'a pas exigé de lui de l'argent ou des biens, mais du travail fortifié à 10 ans. Et son travail était regardé des moutons, c'est la main. Alors la parole est la fin de la conclusion.